ce petit pays, on est là ici pour le rugby. Tous ceux qui nous voient en France ici demandent « Ah, au Burkina, est-ce qu'on joue au rugby ?» Et c'est à nous de montrer que oui, au Burkina, on joue au rugby et on peut faire du bon rugby. Le rugby sur lequel on peut compter, donc on ne représente pas seulement nous. Présentez-vous ! Qui je suis ? Merde ! On se prend pour qui ? C'est bien, bro ! Continue comme ça, bro ! C'est bon ! On va pas parler technico-tactique, on va les destroncher, puis voilà. Bah non, le bouclier, c'est bon le bouclier, mais je veux dire, ce qui est beau, c'est l'aventure humaine, quoi. Après, bon, le bouclier, c'est un morceau de plage, il flotte, hein. Bonjour à tous, c'est Fabien, le créateur du podcast Joue au rugby Mino. Je voulais glisser un petit mot avant que l'épisode ne démarre, car celui-ci aura un format un peu plus particulier que les précédents. D'habitude, j'interview des joueurs ou des passionnés de la balle ovale dans un format assez intimiste, où on est en tête à tête et on discute assez librement de leur passion pour le rugby. Cet épisode il va être différent, car en parallèle de ma carrière de joueur pro à Rouen, je suis passionné d'entraînement depuis toujours. Et du 1er au 8 juillet dernier, j'ai pu entraîner avec plaisir, honneur et fierté, la sélection du Burkina Faso rugby. Pour la petite histoire, c'était la première fois que la fédération burkinabé de rugby pouvait amener des joueurs en Europe pour représenter leur couleur et leur nation. Le tournoi en question, c'était le Paris World Games qui avait lieu à Marcoussis. J'ai donc profité de ma casquette d'entraîneur pour glisser mon dictaphone et pour capter des moments forts à l'intérieur du groupe. Et donc l'épisode va être encore plus particulier parce que c'est Léa, une amie à moi qui est animatrice radio, qui va nous conter ces moments-là. C'était l'occasion d'intégrer une voix féminine à cet épisode et ça va aussi permettre de garder une cohérence d'ensemble, une fluidité d'ensemble, car ma voix va être présente en tant qu'entraîneur à l'intérieur de l'épisode et je pouvais pas être à la fois acteur et narrateur. Avant que l'épisode démarre, j'en profite pour remercier Julien qui m'aide depuis janvier dans cette aventure Joue au rugby Mino et qui était présent avec nous toute cette semaine dès qu'il avait du temps libre. Sans lui, clairement, cet épisode et beaucoup d'autres n'auraient pas pu voir le jour, car il maîtrise bien mieux que moi tous les aspects logistiques, tous les logiciels et tout ce qui nous permet de monter les épisodes et de les mettre en ligne. Donc franchement, mon poulou, merci beaucoup. Et maintenant, je vous laisse découvrir l'épisode, ce premier épisode immersif avec les étalons du Burkina Faso en compagnie de Léa. La Fédération Burkinabé de rugby est une nation émergente sur l'échiquier du rugby mondial et sa présidente, Madame Boro, cherche à structurer davantage sa fédération, comme le démontre le statut de membre affilié temporaire auprès de World Rugby acquis dernièrement. En participant au tournoi de rugby à 7 du Paris World Games à Marcoussis, la fédération a passé un nouveau cap dans sa structuration car c'était la première fois que des étalons quittaient le continent africain pour participer à une compétition internationale et ce voyage a été rendu possible car un des leurs vit sur Paris. En effet, Antoine Nyameogo possède la binationalité franco-burkinabé et il s'investit grandement au quotidien pour sa fédération. En collaboration avec le ministère des Sports burkinabé, il a organisé toute la semaine sur Paris. Que ce soit en termes de recherche de terrain, d'hébergement, de moyens de transport, il a géré tout ça avec brio et surtout l'aspect administratif de ce voyage. Il a également cherché dans son entourage un encadrement de qualité afin de maximiser les bienfaits de cette semaine d'entraînement et de compétition sur Paris. Et c'est comme ça que le quartier de rugby performance pour la préparation physique, Fabien Doré, talonneur professionnel au Rouen Normandie Rugby pour le jeu d'avant, et Aristide Barrault, ancien demi d'ouverture professionnel passé par le Stade Français et Massy pour le jeu de 3 quarts, sont intervenus bénévolement durant cette semaine auprès de Cheikh Hamidou Ouédraogo, le sélectionneur national du Burkina Faso. Ce premier épisode de cette trilogie au cœur des étalons du Burkina Faso se consacre à la vie de groupe des étalons hors des terrains de rugby et nous retrouvons le capitaine Aziz Soulama et ses coéquipiers à Le Voilà Perret au siège d'Humanis, l'entreprise de services du numérique française active dans l'informatique décisionnelle qui a sponsorisé leur dotation. Une petite surprise pour vous. Ce soir, on a la chance d'accueillir des gens qui sont formidables. Ils ont fait plus de 6000 km pour venir nous voir. Leur surnom, c'est les étalons. Pardon, les gars. Mesdames, messieurs, merci d'applaudir l'équipe nationale de rugby du Burkina Faso. Et j'appelle Comme pour les invités, je ne sais pas si vous avez le maillot là, si vous connaissez un de vous. Donc c'est l'équipe de rugby, parce que tout à l'heure je pense que c'était l'équipe de pétanque, mais en fait c'est l'équipe de rugby. Ouais, parce qu'il jouait bien, il fait du coup. Alors, juste pour information, si vous allez sur Google et que vous tapez rugby Burkina Faso, vous tomberez sur un très très bon reportage qui a été réalisé l'année dernière par Canal Plus. C'est à la fois, je trouve que c'est formidable ce que vous faites, voire même émouvant, donc on vous félicite. Alors moi j'ai une petite question, là, donc vous avez Humanis sur votre maillot, est-ce que vous savez ce... Aziz, est-ce que tu sais ce que fait Humanis? Je sais que c'est une structure qui est dans les cours. Et tu voulais nous présenter la cartographie des offres, je crois. Donc Stéphane, donc toi Aziz, tu es le capitaine de l'équipe. C'est bien. Et le Mbappé de l'équipe, c'est Stéphane. Il va falloir assurer. Alors, c'est la première fois que vous venez en France? Moi, c'est la deuxième fois. Pratiquement 3-4 mois, c'est la première fois. Et alors, ça vous plaît la France? Il y a des jolies filles, ça va, hein? Alors, on sait qu'au Burkina, j'imagine que le football, c'est le sport roi. Est-ce que c'est compliqué de jouer au rugby? Bien sûr, c'est très compliqué. La plupart des équipes n'ont pas de terrain avec du gazon. On joue sur le terrain de football. Pas sur des terrains de football, mais sur des terrains sans gazon. La poussière. En tout cas, nous, on est très très fiers d'être sur votre maillot. Donc, ce qu'on vous souhaite, c'est plein de victoires. Vous pouvez gagner contre tout le monde, sauf contre Suren. Là, il ne faut pas gagner contre Suren. Hein? Voilà. Eh bien, très bonne soirée à tous et vous pouvez encore les applaudir. Merci. Suite à cette réception organisée par leurs sponsors, les joueurs et le staff sont remontés dans leur minibus et ils se sont baladés dans Paris. Découverte de l'Arc de Triomphe, balade sur les Champs-Élysées, discussion pleine de camaraderie avec leurs compatriotes vivant en France, cette soirée a permis aux joueurs de s'aérer l'esprit et d'apercevoir quelques merveilles de la plus belle ville du monde. Durant cette semaine d'entraînement, les étalons ont pu bénéficier des installations du club de Massy, club historique du rugby français, connu et reconnu pour la qualité de sa formation. Le rythme a été intense durant cette semaine, à raison de 2 entraînements par jour auxquels il convient d'ajouter 2 oppositions dirigées face à l'équipe de France universitaire à 7 et face aux 7 Fantastics, une association de Sevens reconnue dans le paysage rugbystique hexagonal. Ces 2 équipes étaient également en stage à Massy pour préparer leurs échéances respectives, le championnat du monde universitaire pour les Bleuets et la dernière étape du circuit national de rugby à 7 pour les 7 Fantastics. Étant donné que peu de joueurs de l'équipe avaient déjà connu une telle cadence d'entraînement, le staff a décidé d'axer le contenu des derniers jours sur la récupération afin de garder de l'énergie et d'être en forme pour le tournoi du week-end. Pour ça, quoi de mieux qu'une séance de cryothérapie? Ben oui, quoi de mieux que de rester 3 minutes dans une chambre froide à moins 110 degrés. Bienvenue à tous déjà. J'espère que ça se passe bien jusqu'à maintenant. Merci. Là, ça va être compliqué. C'est le moment le plus dur de la journée, juste après. Donc le principe, c'est que vous allez entrer dans une boîte comme un sauna, en bois. Mais là, ça va être du froid à la place d'être du chaud. D'accord ? Il faudra rester, en tout cas essayer de rester 3 minutes à l'intérieur. D'accord ? On vous demandera de vous déshabiller, juste de mettre des gants, bonnet et chaussettes. D'accord ? Pour pas que ça vous brûle les extrémités. Sachant que la pièce à l'intérieur, c'est moins 110 degrés. Moins 110 degrés. Mais filme-toi toi, Moins 110 degrés. Il y a juste quelques précautions pour votre tension, d'accord, et la température de votre peau. Et on reprendra à la fin, d'accord. Ceux qui ont une trop grosse tension, vous ne pourrez pas le faire. Voilà, ça se passe plutôt bien. J'espère que ça va remonter tout le site. Est-ce qu'il y en a qui ont peur d'être enfermés? Ah non, c'est un nom, on prend les cafés. On va essayer. On va vous expliquer pourquoi on fait. D'accord, donc le principe là, c'est de choquer votre organisme pour qu'il se mette dans une phase où il va récupérer, mais d'une façon multipliée par rapport à l'habitude. C'est-à-dire qu'il va avoir tellement froid que ça va déclencher un réflexe du corps humain qui va se mettre en sommeil, en protection, et ça va récupérer, ça va activer plein de mécanismes qui vont vous faire récupérer beaucoup plus vite que d'habitude. Donc après, vous allez vous sentir très fatigué, c'est normal, d'accord? Mais le lendemain matin, en fait, vous allez avoir récupéré de façon exponentielle par rapport à d'habitude. On va arriver au tournoi, on va récupérer, plein de gaz. Voilà. Ça marche ? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? On va essayer. Il faut forcément faire 3 minutes. Dernière question, est-ce qu'il y en a qui ont des plaies ou des grosses cicatrices qui ne sont pas complètement fermées ? Parce que dans ce cas-là, il faudra les protéger. Il ne faut pas qu'il y ait de grosses égratignures. Il faudra des égratignures, savoir. Il y a une croûte, c'est bon. Il faut juste pas que ce soit une plaie à vif. Donc on va partir 3 par 3. 3 par 3. Vous restez ici tranquille. Voilà. Enfin, ouais, il y en a, si vous voulez, les 3 d'après, vous pouvez venir voir les 3 d'avant. Moi, j'ai pas plus de 6 d'avant. Moi, j'ai atteint une dernière position. Voici les 3. C'est vrai. Après les 3. Alors, attendez-moi juste 3 minutes ici, je reviens prendre les 3 premiers. Ouais, 110 degrés, ça fait un peu peur, mais on tire en 8 tiendra. Non, mais c'est ça, quand même, récupérez vite un peu la stessie. Non, bien sûr, c'est pas des 0 degrés de Waradoué. 0 degrés. Ah, bon, ça, j'en fais ça, c'est vrai. On peut pas faire ça. 6 minutes, ça fait 10 quoi. 6 minutes, c'est petit. Ok, on verra. Farmel, non. À la sortie, on verra. Donc, vous passez en dernier, vous restez 6 minutes. Je vais vous dire, aussi, moi, je peux faire 15 minutes. On n'a pas froid quand si c'était moins 110 degrés. J'ai déjà fait plusieurs fois, en fait, c'est pas si froid que ça, parce que c'est de l'air sec, donc on le ressent pas. Par exemple, quand il fait 10 degrés avec du vent et de la pluie, c'est beaucoup plus froid que là. Vous inquiétez pas, vous ressentez pas. Au début, ça fait bizarre parce que on respire bizarrement, mais en fait, vous allez voir, c'est comme si il faisait un peu froid. Ah, mais si toi tu dis que tu as essayé, ça va, mais le problème, n'oublie pas qu'en France, ici, souvent, vous avez l'habitude. Oui, c'est vrai. Et du coup, si c'est encore mieux. 40 degrés. Vas-y, tu vas voir comment tu vas récupérer. Moi, je préfère. Moi, je vais aller pour 16 minutes. Alors, messieurs, vos impressions avant d'entrer dans la cryo, Steph? Un peu anxieux. Un peu anxieux, donc il y a un petit sas où tu restes 30 secondes pour t'habituer à la fraîcheur et après tu rentres dans le grand où c'est encore plus froid. Voilà. Et c'est là où il faut tenir 3 minutes. Aziz, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Non mais c'est vrai que dès qu'on sort, ça fait vraiment du bien. S'il te plaît, c'est bon, on va commencer à pleurer. C'est de la bonne de cette terre. Moi, ici, là, quoi, je vais prendre son héritage avec sa femme. Côté de moi. Ok, bonjour. Bonjour, ok. Je suis là, quoi. Si tu veux pas mourir dedans, je vais prendre ton héritage. Moi, je vais commencer à faire attention à toi. Non, vous aussi, si tu veux, pour rester, faut faire une heure dedans. Il faut dire que ce challenge a été réussi par tous les joueurs. Eux qui, sous les latitudes du Burkina Faso, vivent sous des températures caniculaires pouvant aller jusqu'à 40 degrés à l'ombre. Encore aujourd'hui, ils évoquent ce moment particulier où ils ont su se dépasser dans les locaux d'Olympe Santé. Et ils remercieraient presque Paulin et Étienne, les deux kinés leur ayant permis de vivre cette péripétie. Tout au long de cette semaine, Loïc, Fabien et Aristide ont appris à connaître les joueurs. Très souvent, la relation entraîneur-entraîné va plus loin que les simples conseils techniques et ce contexte de vie en communauté a amené de réels moments d'amitié et de fraternité entre staff et joueurs. Et c'est pour saisir encore plus en profondeur les fondements de la culture burkinabé et de cette sélection qu'une réunion sur l'identité de ce groupe a été orchestrée par le staff. Ok les gars, donc juste une petite réunion là aujourd'hui. Je voulais la commencer hier, mais voilà, on a le temps aujourd'hui, là, une vingtaine de minutes où on va discuter de la culture burkinabèse et des valeurs que vous allez incarner durant ce week-end. Ok ? Être burkinabé, c'est quoi ? Être un joueur qui représente son pays, pour vous, ça veut dire quoi ? Voilà, c'est ce sur quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Pour ça, vous êtes 12, donc on va faire 3 groupes de 4. Le premier groupe de Kader à Kessoum, vous allez un peu reculer et vous mettre dans ce coin-là. Et vous allez réfléchir aux valeurs que vous allez représenter ce week-end quand vous porterez ce beau maillot avec ces beaux étalons. Ok ? Un deuxième groupe avec Aziz, de Aziz à Adama. Pareil, vous prenez l'angle là-bas. Et le troisième groupe, vous vous mettez juste derrière. Vous discutez entre vous des valeurs. Deux mots forts, un mot fort qui vont représenter votre pays. Et qui signifie plus précisément ce qu'est être burkinabé. Allez, je vous laisse le temps qu'il faut. Allez. et discuter entre vous. Je me pose la question, on va essayer aussi. On doit savoir, donc on n'a pas fait. Être fort mentalement. Sacrifice. Continuez ce brainstorming là. Là vous sortez toutes vos idées. Mais je voudrais peut-être que deux mots forts à la fin. D'accord ? Okay, donc, vous devrez vous mettre d'accord sur deux mots forts. Voilà, allez. Si les gars aussi, ce que vous pouvez faire, en plus de réfléchir à des mots forts, réfléchissez à des moments où vous avez déjà vécu ça. Ok, on va essayer d'associer ça à des moments forts qu'on a déjà vécu ensemble en tant qu'équipe et en tant que groupe. Ouais, non, ça c'est jamais abandonné, ça c'est le courage, la détermination. J'ai pas entendu. On a l'intégrité, ça c'est. Donc la deuxième question, c'est en gros des mots forts. C'est la même question, des mots forts qui caractérisent le groupe. Voilà. Donc quelles sont les valeurs ou quels sont les moments où vous avez fait preuve, par exemple, de solidarité. Vous allez me dire, quand on a joué le Sénégal au Seven il y a 2 ans, on a été super solidaires parce qu'on perdait et qu'on s'est dit, allez les gars, on va le faire et on l'a fait. Tu vois ? Donc maintenant, c'est associer des moments aux mots forts que vous décidez. Aux valeurs que vous mettez en avant. L'intimité, ça peut être la plus vite de tous les jours. Ça doit être. Mais si aujourd'hui, nous sommes, qu'est-ce que nous devons montrer? On doit montrer sur le terrain, sur le tournoi aussi. Ouais. Donc là, déjà, si on montre déjà la détermination, on doit montrer la détermination. Okay, être un Burkinabé, c'est quelqu'un qui est déterminé. S'il veut quelque chose, il l'obtient. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de base. Et pour son pays, il est prêt à tout faire. Il est prêt à tout pour l'intégrité de son pays. Donc déjà, sacrifice, détermination, ça peut nous gérer. Ouais, ça c'est normal. Détermination, ça veut dire qu'il est prêt à tout faire. Oui, détermination, ça veut dire ce qu'il fait. Ce qu'il dit, non, moi je veux ça. Le Burkina Faso peut aller l'avoir. N'oublions pas, il y a plusieurs questions. Qui c'est les talons d'abord. Les talons, oui, c'est la force, c'est cette force. Donc là, parmi toutes les valeurs que vous avez ressorties, les gars, est-ce que, donc il y en a 4, essayez de m'en sortir 2. Moi, intégrité, patriotisme. Pour intégrité, c'est. Autisme, pour une question, intégrité, fierté. Intégrité, ça va. Fierté. Qu'est-ce que dans l'intégrité, on n'a pas la fierté. Bon, le deux premiers mots, alors. Oui, mais après on va développer, heureusement, on va parler. Moi, viens de boulot. Ok les gars, super. Maintenant que le brainstorming, donc les idées ont été évoquées par groupe, chaque groupe va s'exprimer, on va s'écouter et ensuite avec les différents mots-clés qui vont sortir, on va décider les deux qu'on va afficher au tableau et le moment aussi que vous avez vécu où ces deux mots-là ont été les plus forts, les plus prégnants. On commence avec toi Omar. Un Burkinabé sur le terrain, c'est un étalon qui symbolise le cheval qui a un cœur de combativité, de solidarité et qui est toujours prêt pour sa nation. D'accord. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi un étalon par rapport à un cheval? C'est quoi la différence? Pourquoi vous parlez d'étalon et pas de chevaux, par exemple, dans votre pays? Bon, l'étalon, c'est ça a un sens qui va avec la culture. du côté, c'est le cheval noir qui a amené la princesse Nyelega là où il a trouvé son amoureux. Voilà, son amoureux. Et ils ont donné naissance à un fils. Voilà, fils. Oui, Drago. Qui l'a amené. Cheval mal. Voilà. Qui est le cheval mal. En fait, le talon, c'est le cheval mal. D'accord. Donc ça représente la puissance. Exactement. La vitalité. Ok. Il y avait quoi d'autre comme mot fort là dans ta description du Burkinabé sur un terrain de rugby? Un terrain, un Burkinabé sur le terrain. Sur un terrain, c'est un étalon qui symbolise le cheval qui a un cœur de combativité, de solidarité et de la vitalité. Ok. Super. Est-ce que vous avez sorti un autre mot-clé? Bon. Être un Burkinabé, c'est être intègre, avoir la force, le courage, le respect. Très bien. Ok, super. Vous avez quelque chose à ajouter, ce groupe-là? Non, c'est bon. Non. Votre groupe, Aziz? Nous, on a déterminé les valeurs du Burkinabé. C'est l'intégrité, c'est la vaillance, la fierté, le patriotisme. Ok. Voilà, et sur le terrain, on retrouve pratiquement toutes ces mêmes valeurs-là. D'où on a ressorti deux mots clés d'un Burkinabé sur un terrain de rugby. C'est l'intégrité et la vaillance. Très bien. Ouais. Vous pouvez me développer ce qu'est l'intégrité, parce que c'est aussi l'un des slogans de votre pays, le pays des hommes intègres. Voilà, l'intégrité vient de l'étymologie du mot Burkimbila, c'est ça? Je ne suis pas moi aussi, moi. Burkimbila qui veut dire intègre. Et Faso qui veut dire le pays des hommes. D'accord. Donc du coup Burkina Faso qui vient de l'ouest du pays, notamment chez le Bambara. Le Bambara, oui. Qui est Faso, le pays des hommes, et intégrité qui vient du mot aussi Burkimbila. Voilà. Donc ça donne le pays des hommes intègres. D'accord. Voilà, l'intégrité c'est l'accueil, surtout des étrangers, le respect, l'amour propre de sa nation. Ouais, la fierté. Ouais. Tout est dans la fierté, l'honneur. Voilà. Tout pour la nation. Ça va plus loin quand il parle de l'étranger, tu vois. C'est donner une bonne image de soi. D'abord, partout où on va, de savoir qu'on représente ce pays. Tout va de Thomas Sankara. Oui. Voilà, tout vient de lui. La politique. Toujours être fier de ce qu'on est d'abord, de ce qu'on va montrer. Et aller chercher au fond de nous-mêmes ce qu'on représente pour ce pays-là. Ce petit pays, on est là ici pour le rugby. Tous ceux qui nous voient en France ici demandent « Ah, au Burkina, est-ce qu'on joue au rugby ?» Et c'est à nous de montrer que oui, au Burkina, on joue au rugby et on peut faire du bon rugby. Le rugby sur lequel on peut compter. Donc on ne représente pas seulement nous. Et je veux l'appuyer aussi pour dire que sur le terrain, on va au-delà de nos limites, le dépassement de soi, le dépassement des fonctions. C'est ce qui nous caractérise tous sur un terrain de rugby, le Burkina. Ok. Merci les gars, c'est vraiment très beau. Pareil, votre groupe, vous avez mis quoi en avant? Bon, nous, ce que nous on a mis en avant, c'est la détermination et puis la fierté. Ouais, les Burkinabés. Si un champ de bataille, il est déterminé au risque de sa vie. Donc, s'il s'est donné un objectif, il est prêt à aller jusqu'au bout. Ouais, la fierté, surtout bon. Dans la sous-région, il y a beaucoup de gens qui nous disent, les autres pays, qui disent que non, le Burkinabé est fier de lui, de son pays, tout le temps. Tout, quand il parle, c'est avec fierté. Il est prêt à tout pour défendre son pays. Donc, nous, on a essayé de prendre ces deux mots-là, essayer de mettre ça en avant. Ok. Sinon, il y a d'autres mots. Oui, je sais bien. Oui. Mais c'est bien aussi d'en sortir deux parce que c'est les plus prégnants, donc ça met encore plus en avant ce que vous ressentez, ce que vous représentez. Ok, les gars, donc là, maintenant qu'on a mis en avant les mots des trois groupes, est-ce qu'on peut en choisir deux qui caractérisent vraiment votre identité en tant que pays et votre identité en tant que groupe? Donc, on choisirait quel mot parmi tous ceux qui ont été évoqués? Dans tout ce qu'on dit, je vois un peu de parfum d'intégrité. Très bien. Voilà. Pour ce mot-là, je pense qu'on peut être tous d'accord. Très bien, Aziz. Je te prie de te lever et de marquer le tableau. Un autre mot, les gars. Intégrité, bien sûr. Ça se sent en vous. Qu'est-ce qui vous représente également, Kader? La fierté. La fierté. Très bien. Fierté d'être burkinabé. Ouais. Très bien. Ouais, je t'en prie, lève-toi aussi et marque-le sur le tableau. Pendant ce temps-là, les gars, on réfléchit assez vite. À un moment, en tant que joueur, vous avez ressenti de manière concrète ces deux mots-là, intégrité, fierté. Ça vous a permis de vous dépasser, ça vous a permis d'atteindre quelque chose qui paraissait peut-être inatteignable à la base ou pour la personne lambda, pour la personne normale. Quels sont les moments qui vous viennent en tête? Oui, tout le monde la connaît, c'est pas une anecdote. C'est la blessure de notre frère cadet lors du tournoi il y a 2 ans à Niamey. Oui. Le gars il s'est blessé ou quoi, à la 10e minute de jeu, on l'a évacué à l'hôpital. Et nous, moi et Bonzon, le même soir, on a tout de suite été mis au courant et on ne pouvait pas garder ça pour nous. Moi, dès qu'on m'a informé, moi, tout de suite, je suis allé rendre tout ce que j'avais mangé. Oui. Dès qu'ils m'ont prononcé le mot tétraplégique, moi, c'était dans les dictionnaires, à la télé que j'entendais. Oui. De là, me dit qu'un coéquipier, celui avec qui j'ai mangé le midi, le soir, on me dit qu'il peut être tétraplégique. Moi, tout de suite, j'ai rendu tout ce que j'avais mangé. Le lendemain, on nous a informé de son état de santé. On a été le voir à l'hôpital, le gars il était raide, tout bloqué. Moi je le vois, moi je commence à couler des larmes. Et le malade même me dit, ah Steph, non ça va, c'est rien. Non, je me suis dit, mais non, mais il est fou lui. Moi je vois l'état dans lequel il se trouve, et lui il me dit que ça va. Non, mais il m'a tout de suite redonné de la force. Et il m'avait demandé en son temps, ça peut-être, il ne sait pas s'il avait dit aux autres, Steph, compte sur toi pour qu'on gagne le Mali. Ouais, moi tout de suite ça m'a touché. Et là, moi j'étais blessé. Et je me suis dit, quand même, il faut que tu joues le match pour Kader. Jouons le match, gagnons-le pour Kader. Ouais. Parce que dans le temps dans lequel il se trouvait, lui il se dit que ça va. Donc c'est pas moi qui vais me dire que non, que ça ne va pas et que je vais aller foutre le bordel alors qu'il m'a demandé qu'on gagne le match pour lui. Et là, au début c'était un peu tout traumatisant. On faisait des erreurs pas possibles. Et après, à la veille du match, on s'est tous ressaisis. On s'est dit, les mecs, il faut qu'on gagne pour Kader. Et quand on a gagné le match, dans la vidéo, on l'a tout de suite vu. Oui. On a dédié cette victoire à Kader. Et heureusement, on a fini champion en 2017. Et vraiment, encore une fois, je lève le point pour Kader. De là où il se trouve, heureusement, il a repris ses activités. Je lui dis merci. Malheureusement, il ne peut plus jouer. Mais vraiment, c'est un homme courageux. Il a, dans sa blessure, il a démontré ce que c'était un Burkinabé. Et vraiment, je suis fier de lui. Ouais. Et ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas gagné le Mali. Ah oui. Donc, du coup, c'est... Il vous a eu ce surplus de motivation et de... Oui. Et de mental pour le faire. On n'avait aucune raison de perdre ce match-là. Je pense que si on l'avait perdu... Et je sais pas. Bon, on n'avait qu'une seule alternative. Gagner ou voilà. Juste ça. Avec que ça dans notre tête. Et vous, les jeunes qui n'étaient pas là forcément ce jour-là, vous avez entendu parler de cette histoire avant le petit reportage vidéo ou même ça s'est vite propagé dans le pays? Rachid y était. Rachid, je sais, ouais. Moi, j'y étais pas. Oui. Mais directement, quand c'est arrivé, moi, j'avais les nouvelles. Ok. Oui, directement, je savais. Et vous avez pensé quoi, vous, au pays? Bon, on était tous inquiets. Oui. On était tous inquiets. Et on suivait l'état sur nous. Ok. C'était des prières qu'on faisait, ainsi de suite. Très bien. Donc, les gars, ce petit travail. Il n'est pas courant, mais il signifie beaucoup. Ce papier, vous allez le garder. On va l'afficher dans les vestiaires ce week-end. Vous rentrerez au pays avec. Je sais qu'il sera toujours dans votre cœur. Et je sais qu'il va vous animer lors du tournoi qui nous attend. J'en suis persuadé. Loïc, Aristide et moi, on est vraiment très fiers de vous accompagner et de vous donner le meilleur qu'on a. Vous êtes vraiment des chic types. Vous êtes vraiment des bons mecs. Et on est fiers et émus, je pense, de faire partie de cette aventure avec vous. Quoi qu'il arrive, on aura des souvenirs dans le cœur à jamais. Donc pour ça, moi je vous dis merci les gars. Je vous dis franchement merci. Je comprends ce qu'a ressenti mon frère lorsqu'il est venu il y a 2 ans au pays avec vous. Et tous les mots forts que vous avez évoqués, ben, je peux le ressentir depuis le début. Donc, très franchement, merci. Là, Cheikh, tu veux peut-être dire un mot pour conclure la petite réunion, étant donné que tu suis ce groupe depuis toujours. Et après, Harry rebondira certainement dessus et vous exposera l'opposition à venir contre Massy. Merci les gars. Ok. Et avant de commencer, je voudrais vraiment dire merci à tous les trois. Voilà. Et sans mentir, quand on venait, sincèrement, je me posais des questions. Et j'avais même préparé aussi mes séances. Mais quand je suis venu, quand vraiment on a fait les premières rencontres avec vous tous, j'ai su automatiquement qu'il y a quelque chose qui a été fait. Donc, automatiquement, je me suis mis en situation de stade, puisque j'ai vu que vraiment le niveau était élevé, il faut reconnaître. On a eu des exos vraiment sincèrement qui va nous aider, pas pour ce tournant, mais vraiment pour le mois de septembre et pour toute la vie avec ces jeunes-là. Donc, pour cela, je vous dis merci d'abord. Voilà, Antoine n'est pas là, c'est pour vous dire merci aussi à Antoine et toute sa famille. Voilà. Et je voudrais en tout cas remercier en tout cas tous les joueurs, puisque vraiment le groupe vit bien avec les anciens, les capitaines. Je suis aussi quelque part responsable et tout mon souhait est que vraiment tout se passe bien et que vraiment on a quitté le Burkina Faso très heureux ensemble et que vraiment ça continue comme ça et que vraiment on est heureux, la tête haute. Voilà. Et moi vraiment les relations humaines sont très importantes pour moi. Voilà. Moi je pense que c'est un défi et que ça va vraiment continuer. Les anciens, ils ont beaucoup fait, je les connais, c'est pas aujourd'hui. Ils sont toujours là. Je demande seulement aux jeunes de vraiment profiter de ça et de se libérer. Voilà. Le but de ce moment introspectif est de faire ressortir via la réflexion par petits cercles les vertus de l'équipe, les valeurs de la nation et les épisodes marquants de la vie de ce groupe. Chaque équipe, en réfléchissant ensemble à ce qui la caractérise en tant qu'entité, en déterminant ensemble quels sont leurs mots-clés, en validant ensemble ce qui la rend singulière, engendre par la même occasion une plus-value impalpable qui lui permet de se recentrer sur les bases de leur identité. En bref, vu que ça sort du groupe, c'est encore plus fort, ça a encore plus de sens. Comme toute équipe de rugby qui se respecte, les Burkinabés sont de sacrés bons vivants. Ils rigolent sans arrêt, chantent, dansent constamment et on les retrouve désormais au sommet de la Tour Eiffel pour un moment de pure folie. Zambia, Eric Bimon, Zambia, c'est plaqué, Zambia, Eric Bimon, Zambia, c'est marqué, Zambia, Eric Bimon, Zambia, c'est cogné, Zambia, Eric Bimon, Zambia, c'est gagné, Zambia, Eric Bimon, Zambia, c'est parti, Zambia, c'est pas carrière ou qui va s'acquitter, Burkina, Burkina, Ces quelques minutes de joie ont éclaté spontanément. Joueurs et staff chantaient, dansaient, tous réunis, tous agglutinés les uns aux autres, et il a fallu l'intervention prévenante du service de sécurité pour stopper ce joyeux bordel. La sélection du Burkina Faso au rugby a dormi à Bagneux durant toute la semaine d'entraînement avant de prendre ses quartiers à Marcoussi, le centre national du rugby français, la veille du début du tournoi. On les retrouve le vendredi soir après le dîner, et pour ce dernier discours, Aristide, Fabien, Tchèque et Antoine vont tour à tour prendre la parole et se projeter sur le tournoi à venir. Ok, donc les gars, pour le petit déj demain, il faudra qu'on ait tous fini de manger à 9h. D'accord ? Donc vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut que la dernière cuillère soit à 9h. Et c'est tout. Pour ce qui est, je sais pas exactement ce qu'il y aura à manger, ok, mais privilégiez s'il y a de la viande et des œufs, les fruits, ok, et évitez tout ce qui est confiture, brioche et trucs comme ça, d'accord. Les trucs très très très sucrés, on évite, hein, et les protéines vous pouvez, et tout ce qui est fruits aussi, ok. Voilà, après pour moi c'est tout. Vous voulez faire un petit retour sur la semaine? Que demain, on, comme si on attaquait une nouvelle partie de la semaine avec une nouvelle dynamique, on rentre dans la compétition enfin. Voilà, avec Fabien, Loïc, Chek, Antoine, on est vraiment vraiment très très heureux du travail que vous avez fourni cette semaine, de tous les progrès. On est heureux des deux oppositions, on a vu la différence de qualité que vous avez mis dans les deux. Il y a vraiment une équipe qui est en train de naître, qui est très forte. Donc vraiment concentrez-vous sur faites-vous plaisir demain. Faites-vous plaisir. Vous êtes une équipe de grande grande qualité, composée de joueurs de très grande qualité. Comme je vous dis, vous êtes très grands joueurs de rugby, tous individuellement. Et surtout faites-vous plaisir. Ayez confiance, n'ayez peur de rien. Tentez. Tentez tout ce que vous voulez. Soyez concentrés. Faites déplacer les adversaires. Et on va vivre un grand week-end. Et pour ma part, je me suis demandé dans quel état d'esprit je serais si j'étais aujourd'hui un Burkinabé à la veille du gros tournoi qu'on a bien préparé. Eh bien, je crois que j'aurai de la confiance. J'aurai de la confiance en moi et en mes collègues autour de moi, en mes compatriotes, parce qu'on s'est super bien entraînés et que cette semaine nous a permis de progresser sur des aspects techniques et sur des aspects de compréhension du jeu. Et ces deux aspects-là, ils viennent par-dessus votre excellente condition physique et votre excellent mental. Et des valeurs qui vous unissent, qui correspondent à votre blason, intégrité, fierté, courage. Vous avez déjà ça depuis toujours, vous avez également un physique depuis toujours. Ce qu'on a essayé de vous amener avec Aristide, Loïc, Chek, cette semaine, ça a été vraiment de l'expertise. Si vous mettez la petite cerise sur le beau gâteau, franchement, demain et dimanche, on va s'éclater et on va réaliser de belles performances. Donc les gars, je crois que ce mot confiance, il peut vraiment nous animer tous et on peut réaliser une belle nuit pour bien se préparer jusqu'au bout pour le tournoi de demain. Ok les gars, sincèrement, sans mentir, vous avez vraiment progressé depuis notre arrivée. Je vous connais bien et je sais que vraiment vous êtes capable de réaliser quelque chose de bien demain. Les gars, régalez-vous. Et on est attendu. C'est une première. Et c'est à nous d'écrire l'histoire du pays. Et vraiment, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc du coup, ben, ce midi, après vous avoir déposé, je suis allé faire les maillots avec ma mère. Donc vous avez un kit complet de dotation. Il y a une paire de chaussettes pour demain, une pour dimanche, un short. Rouge, un short vert, on va choisir lequel on joue demain, lequel on joue dimanche, un débardeur pour l'échauffement qu'on mettra donc à l'échauffement et entre chaque match, comme ça nos maillots, nos beaux maillots blancs qu'on a découvert mardi à Humanis, on les mettra à sécher ou quoi pour le match, comme ça on aura une tenue tous ensemble, voilà, la même famille quoi. Okay. Puis après j'ai essayé de, par rapport à Abidjan et à Alger. Et à Alger, pour ceux qui étaient là. Par rapport à vos maillots, vos préférences, j'essayais de faire au mieux pour que vous ayez vos numéros favoris, avec évidemment les bonnes tailles. Donc j'espère que ça vous plaira. Faut que vous sachiez que c'est la première fois que ces maillots ils seront mis en compétition officielle par le Burkina. Quoi. On sera les premiers à les avoir sur le dos. Donc ce maillot, il faut que quand on le rende, quand dimanche soir on le remettra dans la valise, on le laisse à quelqu'un, mais on le rend meilleur. Dans le sens où celui qui devra nous le prendre, il devra être encore meilleur que nous. Donc nous, on ne va pas se donner à 100% demain, on va se donner à 150%. Et celui qui voudra nous le prendre, il faudra qu'il soit encore meilleur. Et il va être comme ça qu'on va pouvoir développer le rugby au Burkina, améliorer le niveau. Et franchement, comme l'ont dit les coachs, tout le monde est très bon, les gars. Il y a de la qualité partout, que ce soit les jeunes, les plus vieux. Tout le monde est concentré. Moi, j'ai pas pu m'entraîner avec vous toute la semaine, mais j'ai eu que des bons retours. Même mes copains à Massy m'ont dit, ouais, franchement, Antoine, ils jouent très très bien. Il y a eu des moments où on a eu chaud. Franchement, bon courage et tout. Moi, j'ai reçu beaucoup de soutien de partout. Ça me fait très plaisir. Et moi, je crois vraiment en vous. Vous savez que je vous adore tous. Depuis que je suis arrivé il y a quelques années maintenant, j'ai appris à vous connaître. Vous êtes comme mes frères. Vous pouvez demander à Aristide, à Fabien. Ça fait 6 mois que je bosse pour que vous veniez ici. J'en rêve la nuit. Donc moi, demain, je serai à 200%, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'à ma gauche et à ma droite, il y aura mes 12 autres frères et qu'on va tout déchirer. C'est donc la fin de ce premier épisode en immersion avec les étalons. Vendredi prochain, vous pourrez retrouver le second épisode de cette trilogie. Nous serons en compagnie du staff du Burkina Faso où Tchèque le manager, Antoine le franco-burkinabé et Stéphane le numéro 9 de cette sélection parleront des évolutions du rugby burkinabé. Loïc, Fabien et Aristide, eux, font un retour sur le programme d'entraînement effectué durant la semaine et sur les qualités naturelles des étalons. Il y a 100 ans, contre la cynique malice, c'est vrai, t'amorphosé en néocolonialisme. Et ces petits, ces malucos, beaucoup flanchèrent et certaines résistèrent. Mais les échecs, les succès, la Syrie, les sangs, on fortifie notre peuple courageux, qui fertilise sa lutte héroïque. Et il s'est mis à rassembler en l'histoire de tout un peuple. Et il s'est mis à déclencher sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Notre peuple avec tous les peuples du monde à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous mettra. Pour retrouver plus facilement le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Jour Rugby Mino sur Apple Podcast ou sur toute autre application de podcast et à laisser une note 5 étoiles de préférence pour permettre à cette émission d'être mieux référencée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.